Chapitre 18e. Humiliation de Mademoiselle Denison. Le locataire de Sir Gaspard retourna lentement à la chambre sombre où Marcia était assise, éclairée par la flamme brillante des bûches nouvellement allumées. Cette flamme éclairait une figure pâle et pensive, une bien triste figure en vérité, lorsqu'elle se tourna vers Pondsford. Le vieux parloir, ordinairement aussi parfaitement en ordre, dans son bizarre arrangement qu'un tableau hollandais, avait ce jour-là un étrange aspect. De grandes caisses d'emballage ouvertes bâillaient à l'un des bouts de la chambre, et au centre de la table était une énorme pile de livres qui avait été retirée des tablettes en chêne vermoulu. Quelques merveilleuses gravures d'Albert Dürer, un peu sombres, avaient été enlevées des murs et étaient empilées sur l'une des petites tables. Cette pièce avait ainsi tout à fait l'apparence de celle d'un homme en train de déménager ses trésors. « En voit-il vendre ses livres et ses tableaux ?» se demanda Marcia. Puis sa figure devint pâle lorsqu'elle pensa. « Peut-être va-t-il partir ?» À cette idée, son cœur, qui avait été tous ces derniers temps très irrégulier, se mit à battre tumultueusement. « Partir ?» Il y avait un noir désespoir dans cette seule idée, et cependant, une heure ou deux avant, quand elle l'avait cru mort et enterré dans quelque lieu de repos parmi des gens qui n'avaient jamais connu son nom, elle aurait considéré comme un bonheur d'apprendre qu'il vivait. Il était bien pourtant dans la vallée la plus éloignée, abritée par l'ombre de l'Himalaya. Elle, qui était si réservée avec chacun pour toute chose, avait peu de réserve en ce qui la concernait. Elle se confia à lui comme elle ne l'eût fait à nul autre sur terre. Elle croyait en lui comme un homme dont la bonté et la sincérité ne pourraient être surpassées que par celles de Dieu. « Vous allez quitter Scarsdale, monsieur Pondsford ?» dit-elle comme il fermait la porte derrière lui. « Oui, mademoiselle Denison, » répondit-il tristement. Il ne s'avança pas vers le foyer où elle était assise, quoique la lumière rouge que les bûches produisaient rendît cet endroit plus brillant et plus gai. Une obscurité grisâtre s'étendait d'une manière sinistre à l'extérieur de sa petite fenêtre treillisée. Des ombres d'un brun foncé remplissaient les panneaux de la chambre et formait un tableau digne d'un moderne Rembrandt, s'il eût existé quelqu'un toujours prêt à prendre sa bosse et à créer un ciel avec un nuage et un rayon de soleil en les fondant dans une couleur liquide. George n'approcha pas de sa visiteuse, quoique l'aspect intime de ce petit coin de chambre l'y invita. Il se jeta, fatigué, sur une chaise près de la porte par laquelle il était entré, et resta la figure à demi cachée dans l'ombre de la pile de livres qui était sur la table. « Je suis fâché de vous voir vous en aller, » dit Marcia après une pause. « Mais cela n'est que pour peu de temps, j'espère. Et cependant, vous ne dérangeriez pas vos livres, si vous ne nous quittiez réellement. »« Vous avez raison, mademoiselle Denison, je pars pour longtemps. »« Pour toujours, peut-être. » Que signifie par parenthèse cette phrase « partir pour longtemps » ?« Quelqu'un peut-il aller quelque part pour longtemps ?» Je m'imagine quelquefois que chaque pas qu'un homme fait dans la vie ne fait que lui enlever des chances de bonheur et que le musulman seul est sage, qui s'assied tranquillement sur son tapis et attend sa destinée. « Vous parlez comme papa, » répondit Marcia très gravement. « Je serais désolé si vous appreniez à penser comme lui. » Il y a des moments où d'épaisses ténèbres entourent les sentiers d'un homme et voilent toutes les étoiles qui ont éclairé sa vie. Je suis égaré dans ces ténèbres et je cherche en tâtonnant. Je cherche toujours à me rattacher à quelques principes pour me guider, mais je suis horriblement brisé, je suis horriblement tenté. J'ai lu le livre de Job dernièrement. Comme j'ai facilement cru en lui, comme je l'ai bien compris. Je me le représente quelquefois dans le milieu de la nuit, lorsque je suis assis seul dans la principale pièce de quelque auberge sur ma route, avec une boîte de pistolet à quelques pas de moi, si seul que si on me trouvait mort le lendemain matin, ce seraient les étrangers qui constateraient ma mort, et ils ne me regarderaient que comme un triste fou échappé à ses gardiens. Si seul que si la nouvelle de ma mort était annoncée à tout l'univers, il n'y aurait pas une seule créature qui eût le moindre chagrin en l'apprenant. « Monsieur Pondsford !» Il y avait du reproche dans son ton. « Oh, mademoiselle Denison, je vous demande pardon. Mais cela est naturellement bien entendu, » s'écria Monsieur Pondsford avec amertume. « Vous seriez fâché de voir un suicidé de plus. » Partir les mains rougies pour sa destinée. C'est votre métier d'être fâché des fautes de pauvres gens. Mais ce n'est réellement que de la compassion chrétienne, et ce n'est pas un véritable chagrin. C'est à peine s'il y a un coquin qui, sur le seuil de l'échafaud, ne serait pas regretté par une personne ou une autre plus que moi. Sachant cela, comment pouvez-vous vous étonner que j'ai appris à admirer la sublimité de la patience de Job ? Il est si facile de maudire Dieu et de mourir. Monsieur Bounceforth, vous me brisez le cœur. » Ces mots résonnèrent presque comme un cri. La figure irritée du locataire rougit et changea d'expression lorsqu'il se tourna vers Marcia. Il avait jusque-là regardé la terre avec une détermination opiniâtre de ne pas lever les yeux sur elle. Ce changement ne fut que momentané, et il baissa de nouveau les yeux sur la même sombre expression. « Je suis une brute, » dit-il, tout chagriné avec mes tourments. « Mais je vous ai vu bien souvent écouter très patiemment des histoires plaintives de loyers non payés et de rhumatisme. Non, l'infortuné le plus misérable qui ait jamais vécu dans la crainte journalière de l'arrivée des huissiers n'est pas plus sans abri que moi. Et le chagrin qui me tient éveillé toute la nuit est une plus cruelle torture que les rhumatismes. J'en suis bien désolé, » dit Marcia doucement. Il y avait dans son ton une tendresse qu'on ne pouvait pas prendre pour une expression conventionnelle de compassion. Le cœur de Pansford fut profondément touché par les sons de cette tendre musique. Mais il laissa sa figure toujours dans l'ombre, et Marcia, en regardant vers la partie de la pièce où il était assis, vit seulement un visage immobile, noir et sombre, comme le ciel couvert au dehors et la chambre obscure au dedans. « Vous êtes bonne d'être désolée pour moi, » répondit Pansford. « Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez heureuse. Heureuse que je fusse revenue. Moi. » Il se frappa la poitrine avec un geste passionné en prononçant cette emphatique syllabe. Pensez qu'il y a sur terre quelqu'un qui se réjouit du retour d'un misérable désolé comme moi, et pensez que cette personne est vous. Oh, si vous pouviez savoir combien en ce moment ces simples mots me transportent dans une vie nouvelle et font de moi une autre créature. Mademoiselle Denison, ce n'est bon ni pour vous ni pour moi de nous être rencontrés aujourd'hui. J'ai perdu toute puissance sur moi-même. Il y a des moments de la vie où l'homme le plus sain d'esprit devient aussi fou que le plus dangereux insensé de Bedlam. Je suis fou aujourd'hui. Laissez-moi vous dire adieu. Laissez-moi vous quitter avec la conviction que vous avez été peiné d'un chagrin dont vous ne connaîtrez jamais la force. Mes livres vous seront une meilleure compagnie que moi. Restez avec eux jusqu'à ce que votre voiture arrive. » Il s'est élevé et s'était promené de long en large dans la chambre, mais en disant cela, il s'avança vers Marcia en lui tendant la main. Elle lui donna la sienne et la laissa serrer dans son étreinte pendant qu'elle lui parla. « Monsieur Pansford, pourquoi allez-vous nous quitter ? Pourquoi ? S'écria-t-il avec passion. « Parce que je vous aime, Marcia, plus tendrement que jamais femme n'a été aimée. » Il abandonna sa main et tomba à genoux devant une chaise vide. Il appuya sa tête sur ses bras, et sa figure se trouva ainsi cachée. Il resta agenouillé sans bouger, pendant que Marcia, debout à quelques pas de lui, était frappée d'étonnement en voyant ce paisible visage exprimer un tel désespoir. Même pendant qu'elle le regardait ainsi, rempli de la pitié qui était le plus sublime élément de son amour, un sentiment tout féminin des petites choses lui fit remarquer que la veste râpée dont avait parlé Dorothée était encore plus usée qu'autrefois, et elle accepta cela comme la preuve d'une pauvreté qui augmentait de jour en jour. Il l'aimait. Cet aveu passionné lui donnait une joie profonde, mais ne lui causait pas de surprise. Depuis longtemps, elle était sûre de son amour. Et en remontant à la première période de leur connaissance, elle avait conscience qu'il l'avait aimée dès le premier moment. Mais la profonde émotion de Pansford l'intriguait autant qu'elle l'alarmait. La révélation de son amour lui avait été arrachée comme un cri de douleur. Marcia, orgueilleuse elle-même, pouvait comprendre l'orgueil d'un homme sans fortune, qui craint que l'aveu d'un amour désintéressé et pur puisse être mis en question. Mais elle ne pouvait comprendre un orgueil assez désespéré et assez profond pour exprimer un désespoir tel que celui de Pansford. Elle le regardait avec étonnement. Priait-il ou avait-il enfoui sa figure afin de cacher les larmes qu'un homme répand avec amertume et honte. Pendant que Marcia s'interrogeait ainsi, il se leva et se dirigea vers la croisée. Un regard jeté sur sa figure lui dit qu'il n'y avait sur elle aucune trace de larmes, mais que sa sombre pâleur était plus terrible que l'expression d'un homme qui pleure. Je vous ai dit que j'étais fou aujourd'hui, mademoiselle Denison, dit-il. Vous auriez mieux fait de me permettre de vous laisser en compagnie de mes livres. » Tout en disant cela, il n'essaya pas de quitter la chambre, mais il resta debout, la figure devant la croisée, à regarder s'envoler les feuilles battues par la tempête. Il eut une pause de quelques minutes, pendant laquelle on entendait distinctement chaque pétillement de feu, la pluie tombait tristement, et le bruit des branches mouillées. Puis Marcia alla vers l'endroit où le locataire se tenait, et posa légèrement sa main sur son épaule. « Vous dites que vous êtes fou aujourd'hui, » dit-elle en plaisantant à demi, mais avec beaucoup d'émotion sous l'apparente légèreté. « C'est un mauvais compliment pour moi, après ce que vous venez de dire tout à l'heure. N'y a-t-il aucune vérité dans ce que vous avez dit, ou est-ce seulement une partie de votre folie ?»« Ce n'est malheureusement que trop vrai, et c'est ma plus grande folie. » Il continua à détourner sa figure et regardait avec obstination la pluie qui tombait à torrents sur le devant du paysage et obscurcissait complètement le lointain au-dessus duquel étaient suspendus des nuages noirs et épais. Marcia s'arrêta un peu avant de lui adresser de nouveau la parole. S'il eût été tout autre chose qu'elle ne le croyait, s'il eût été un homme heureux, son égal en âge et en fortune, elle serait morte plutôt que de l'inviter, soit par un mot, soit par un regard, à lui parler, comme il lui plaisait d'être silencieux ou à rester avec elle lorsqu'il avait le désir de s'en aller. Mais au contraire, il était beaucoup plus âgé qu'elle, de plus pauvre et désolé. Dans sa 39e année, dans sa fortune détruite, il pouvait voir deux barrières qui le séparaient d'elle, barrières insurmontables qu'il ne pouvait franchir que si elle lui tendait une main amie. On raconte une gentille histoire d'un bouton de rose donné dans un bal par la jeune reine d'Angleterre à son cavalier lorsqu'elle était dans toute la fraîcheur de sa beauté virginale, un cavalier qui devint plus tard le plus noble modèle de ce qu'un mari et un gentleman doivent être. Cette histoire n'est peut-être qu'une gracieuse invention, comme le joli discours sur la France et les Français qu'un judicieux écrivain a mis dans la bouche de Louis XVIII. Mais la moralité de l'histoire est que la royauté peut s'abaisser un peu quand elle se voit adorée par un cœur trop noble pour n'être pas orgueilleux. Une femme qui a une grande fortune possède une espèce de royauté et peut parfois s'abaisser un peu sans perdre de sa dignité. Marcia Denison le sentait. Peut-être est-ce dans la nature des femmes de protéger, car son cœur palpitait avec une délicieuse joie. Quand elle pensait combien sa fortune serait utile à l'homme qu'elle aimait, si seulement elle pouvait avoir le courage de s'abaisser assez bas pour déposer son tribut à ses pieds. Si seulement elle pouvait avoir le courage, là était la difficulté. Si elle eût été reine, la chose aurait été assez facile, mais la quasi-royauté d'une héritière est à peine assez puissante pour supporter une telle humiliation féminine, sans perdre de sa dignité. Je m'étonne de son orgueil, et cependant je suis si orgueilleuse moi-même, pensait-elle avec un demi-sourire sur ses lèvres. Puis après une pause, elle demanda, aussi timide qu'un enfant qui rougit sous les regards scrutateurs de quelque sévère grand-mère. « Allez-vous encore quitter l'Angleterre, monsieur Pauncefort ?»« Oui, mademoiselle Denison. Je vais reprendre mes anciennes expéditions pour explorer les bords du Niger. Je vais suivre les traces de Barth et de Livingstone. Je m'étonne peu, quelquefois, que Berkeley soit arrivé à douter de l'existence de toute chose réelle et solide dans l'univers. Un homme va d'un pôle à l'autre, seulement pour emporter avec lui une seule idée qu'il a lui-même. Étendu sur les sables de la mer morte, tâtonnant, aveuglé, dans les solitudes polaires, en face de l'imposante grandeur de la création, la seule passion de sa vie l'absorbe toujours, c'est la seule réalité parmi une multitude d'ombres. Toute la verdure des tropiques, toutes les solitudes entourées par les glaces de la zone arctique, servent seulement de fond à une figure, à l'inexorable ego qui règne dans le sein du voyageur. Je dis des folies, je le crains, mademoiselle Denison, mais quelquefois, quand ma vie me semble le plus dure, je commence à me demander si, après tout, je ne suis qu'une ombre entourée par des ombres, ou s'il n'y a rien de réel autour de nous et dans moi, si ce n'est le chagrin que j'éprouve. Je suis en disposition à plaire à votre père en ce moment. Je lui parlerai de Locke et de Condillac au grand contentement de son cœur. J'en suis fâché, répondit Marcia doucement. Je n'ai point de goût pour la métaphysique, et il me semble que les plus sages métaphysiciens, depuis Saint-Anselme jusqu'à l'évêque Berkeley, n'ont été que des tisseurs de paille fantastiques qui ont badiné avec la simplicité de la vérité. Je pensais que le problème de la vie avait été résolu il y a 1800 ans, et je m'imaginais que vous étiez heureux d'accepter cette solution. Oui, mademoiselle Dennison, mais il y a des moments périlleux même dans la vie d'un croyant. Vous souvenez-vous de celui qui a dit « Est-ce toi qui me suggères mon incrédulité ? N'avez-vous jamais senti un moment ?» Je ne veux pas dire de doute, ce serait un mot trop fort, mais un moment où la plus légère ombre d'une hideuse hypothèse s'élève entre vous et la lumière. Et ne vous êtes-vous pas demandé si cela ne pouvait pas être vrai ? Si l'histoire de Galilée était seulement une belle idylle, une saga, une image fabuleuse de grandeur, pas plus réelle que la légende de Guillaume Tell ? Satan semble être un personnage passé de mode dans notre moderne théologie, mais quoi qu'il en soit, il tient toujours sa place parmi nous et murmure des insinuations empoisonnées à nos oreilles. Je suis fâché que votre expérience vous ait révélé son existence. J'ai vécu seul dernièrement et Satan a le goût de la solitude. Dans la vie des saints qui ont été ermites, vous trouverez plusieurs exemples de sa présence. Mais je ne pense pas qu'il ait visité souvent John Howard ou Elizabeth Fry. J'étais un voyageur solitaire, et le démon a quelquefois été le compagnon de mes excursions. Je sors de sa compagnie pour venir dans la vôtre. Ainsi vous ne devez pas vous étonner de me trouver si brut et si grossier. Vous eussiez mieux fait de me laisser vous dire adieu, mademoiselle Dennison. Dites adieu et Dieu vous conduise à un malheureux qui quitte la lumière de votre présence, pour entrer dans les ténèbres les plus tristes qui se soient jamais étendues entre la virilité et le tombeau. Il se retourna pour quitter la chambre, mais avant de partir, il lui tendit la main. « Voulez-vous me donner une poignée de main ? » dit-il. « Je sais combien je parais répondre grossièrement à la bienveillante hospitalité de votre père et à vos égards compatissants, mais j'ai mon secret. Si vous le connaissiez, je ne pense pas que vous fussiez étonné de me voir tel que je suis. » Il prit la main de Martial dans la sienne et la pressa doucement. Après cela, il l'aurait laissé libre. Mais les doux doigts aimants s'attachèrent aux siens de manière à n'être pas repoussés, et la seconde main de Marcia se posa gentiment sur son poignet. Tenu ainsi et cloué au sol par le soudain étonnement qui remplissait son esprit, il regardait avec ardeur la figure tournée vers lui, cette pâle et pensive figure qui semblait briller d'un éclat céleste. « Pourquoi me forcez-vous à vous parler ? » dit Marcia. « Pourquoi me faire dire ce qui aurait dû sortir de vos lèvres et de vos lèvres seules ? Pensez-vous assez mal de moi, pour craindre que je ne vous comprenne pas ? Ou êtes-vous trop orgueilleux pour ne pas condescendre à rien accepter des mains d'une femme ? Vous me dites que vous m'aimez, je le sais, et je sais que vous n'êtes rien que la vérité. Cependant, au même moment, vous me dites que vous allez partir et me quitter, peut-être pour toujours, pour mourir de quelque horrible mort dans des contrées étrangères, inconnues et sans secours. J'ai beaucoup lu de choses sur l'Afrique depuis que je vous connais, et mon cœur frémit d'horreur quand je pense à vous, quand je vous verrai seul dans cet effroyable pays. Oh, George, si votre amour est digne du nom d'amour, il doit vous être plus cher que votre orgueil. Et cependant, vous sacrifiez votre amour à votre orgueil. Je me croyais orgueilleuse, mais voyez comme je m'abaisse pour vous, pour l'amour de vous. Arrêtez, Marcia ! S'écria le locataire de Sir Gaspard, en retirant sa main de sa douce étreinte et en même temps, en s'éloignant d'elle, arrêtez, par pitié. Il tomba à genoux, à ses pieds, la tête couchée dans la poussière, en joignant et en élevant les mains. Je ne m'arrêterai point. Votre orgueil obstiné nous séparerait à jamais, et vous en iriez pour toujours, en doutant du ciel, plutôt que de courber votre âme orgueilleuse qui se révolte contre la moindre ombre d'une obligation. Si je vous avais aimé, et si vous m'aviez aimé dans les premières années de ma jeunesse, je vous aurais laissé partir sans rien dire, et mon cœur se serait brisé lorsque vous auriez été parti. Mais nous ne sommes plus des enfants, monsieur Pounceforth, pour jouer avec les chances de bonheur que le ciel nous a données. Je suis une femme, et ma vie solitaire et sans affection m'a pris quel don précieux Dieu fait à une femme lorsqu'il lui accorde l'amour d'un cœur honnête. Je ne veux pas perdre votre amour, je ne veux pas sacrifier l'occasion de vous faire regagner tout ce que vous avez perdu. N'ayant pas le courage de vous dire ces simples mots, quelques sacrifices que je fasse en les prononçant. Vous m'aimez ? Si vous ne me l'aviez jamais dit, je n'aurais pas parlé, mais vous m'avez dit que vous m'aimiez, et le reste est facile. Je connais votre secret. Pour moi, votre vie est transparente, vos espérances perdues, votre fortune ruinée, votre pauvreté si orgueilleusement supportée. Je sais tout, George, et je vous demande d'accepter mon argent, mon misérable pauvre argent, gagné par la voie honnête du commerce, pour restaurer votre nom et reconstituer votre vie brisée. Oh, George, dites-moi que vous n'êtes point trop orgueilleux pour ne pas accepter le bonheur que ma fortune peut vous rendre, cette fortune que je n'ai jamais prisée avant de savoir que vous étiez pauvre. » Elle couvrit sa figure avec ses mains ouvertes pour cacher la vive rougeur qui la colorait, et attendit ainsi qu'il lui répondît. Pendant quelques instants, il resta silencieux, puis, se relevant, il dit d'une voix basse et brisée, si basse qu'elle était presque un murmure, « Vous vous êtes tout à fait trompé sur mon histoire. Il n'y a pas dans le comté de propriétaire plus riche que je ne le suis. Oh, mademoiselle Denison, pourriez-vous jamais me pardonner quand vous connaîtrez ce que j'espérais pouvoir vous cacher toujours, mais que je dois vous apprendre maintenant ?» Martial laissa tomber les mains de son visage et regarda son amant. Il était debout, à quelques pas d'elle, la figure tournée vers la lumière. De sa vie, elle n'avait vu un mortel plus pâle que celui qui était devant elle. Mais dans sa profonde humiliation, cela ne la frappa que d'une manière confuse. La justification de sa conduite lui échappait toujours. Toute sa théorie sur sa vie était renversée. Le locataire de son père n'était pas pauvre. Elle n'avait pas manqué à sa dignité de femme pour relever un amant en détresse, dont l'orgueilleuse humilité était la seule barrière qui le sépara d'elle. C'était une dégradation inutile. Emportée par un mouvement inconsidéré, elle avait jeté son orgueil de jeune fille dans la poussière aux pieds d'un homme. Elle lui avait demandé, oui, elle lui avait demandé d'accepter sa main et sa fortune. Quelques minutes seulement s'étaient écoulées depuis qu'elle avait parlé. Et cependant, elle ne pensait aux mots qu'elle avait laissé échapper qu'avec étonnement et honte. Elle avait supplié d'accepter une main qu'il ne demandait pas, une fortune dont il n'avait pas besoin. Des larmes humectèrent ses yeux, les larmes de l'orgueil blessé. Elle se recula avec un mouvement involontaire de dignité offensée et retourna près du foyer où son chapeau et son châle avaient été mis à sécher. « Je pense que l'orage est à peu près fini, monsieur Pauncefort, » dit-elle tranquillement. « Voulez-vous être assez bon pour voir si la voiture est arrivée ?»« Oui, Marcia, mais pas encore. Vous m'avez parlé. Je dois vous parler à mon tour. Oh, ma bien-aimée, mon amour, laissez-moi vous appeler ainsi une fois seulement. » Lorsque, dans quelques minutes, vous aurez franchi le seuil de cette maison, vous m'aurez dit adieu pour toujours. N'avez-vous jamais pensé qu'à ma vie solitaire, qu'à mon profond désespoir, il devait y avoir quelque autre raison que la pauvreté? Ah, Marcia, combien peu vous m'avez connu après tout, vous qui avez répandu quelques baumes sur mes blessures, qui m'avez donné tant de consolation dans mes chagrins. Combien peu vous m'avez connu quand vous avez pensé que la pauvreté était le fardeau de ma vie. La pauvreté, allons donc, c'est une honnête amie et pas une ennemie. C'est la compagne de Diogène qui arrache le masque de toutes les conventions de la terre et désigne le peu d'hommes sincères parmi les coquins. Pour une nature sensuelle, la pauvreté peut être terrible, car elle change de nom et s'appelle privation, soif insatiable de plaisir impossible, le supplice de Tantale. Mais pour moi, je n'ai nulle terreur de la pauvreté. Ah, si vous saviez combien, dans mes courses solitaires, j'écoutais souvent le forgeron battre son fer ardent, et comme je lui enviais son travail, son cœur léger et ses poches vides. Avez-vous donc si mauvaise opinion de moi, que vous supposiez que si la pauvreté était mon seul tourment, je serais resté assis dans cette chambre, quand j'aurais dû parcourir le monde et combattre pour obtenir les 1000 prix que la fortune réserve aux têtes qui pensent et aux mains qui travaillent? « Non, mademoiselle Denison, je suis riche, et l'abîme qui nous sépare est aussi grand que n'importe quelle distance créée par la différence de fortune. » Martial le regardait avec une sorte de terreur. Elle s'était confiée à lui si entièrement qu'elle l'avait entendu accuser, et que sa foi n'avait pas été ébranlée. Sereine, dans son instinctive confiance, elle avait souri aux avertissements sinistres de Blanche Harding, et tout à coup, son cœur faiblissait, car il lui semblait que ses noires insinuations allaient lui être confirmées par ses propres lèvres. Oui, cela devait être ainsi. L'abîme qui les séparait était le déshonneur de cet homme, son déshonneur. et au milieu de cet océan de passions tumultueuses, sa seule ancre de salut avait été sa foi en lui. Elle éleva la main, avec un geste qui implorait la pitié, comme si elle eût désiré arrêter quelque confession qui était sur le point d'échapper de ses lèvres. « Oh, ne me dites pas que vous n'êtes point ce que j'avais pensé, » s'écria-t-elle. « J'ai cru si complètement en votre bonté, en votre sincérité, en votre honneur. Si je me suis trompée jusqu'ici, laissez-moi toujours dans l'erreur. Je ne puis supporter l'idée que ce soit la honte ou l'avilissement qui vous ait banni du monde. »« Marcia, » répondit le locataire de Sir Gaspard, « il y a des gens qui ont supporté le poids d'un déshonneur dans lequel ils n'avaient pas pris part. Il y a des lois sociales qui font tomber sur l'innocent les mauvaises actions d'un coupable. Le nom que j'ai le droit de porter a été déshonoré il y a 15 ans, mais pas par moi. Je m'endormis un soir, orgueilleux et ambitieux, ayant tout le monde devant moi pour obtenir les prix les plus beaux que la terre puisse donner. Je m'éveillai le lendemain pour me trouver tel que vous me voyez maintenant, sans espérance, sans nom, trop heureux de cacher ma ruine à un monde dans lequel je vivais autrefois si orgueilleusement. » Il couvrit sa figure de ses mains, pendant que ses yeux s'obscurcissaient. Il sentit les doigts aimants de Marcia essayer d'ôter ses vigoureuses mains de la figure qu'elle cachait. « Le déshonneur n'est pas venu par une de vos actions, » murmura-t-elle doucement. « Ah, je le savais bien, je savais bien que vous étiez noble et sincère. George, si vous m'aimez, le déshonneur peut souiller votre nom, mais cela ne m'affectera jamais. Des femmes m'ont porté des noms déshonorés avant aujourd'hui. Donnez-moi le vôtre, George. Il sera plus précieux pour moi que le plus grand titre qu'on ait jamais porté sur cette terre. George, pourquoi me forcez-vous vous dire quelque chose qui vous donne le droit de me mépriser ?»« Vous méprisez, Marcia ? Ah, je suis le misérable, le plus vil et le plus criminel qui ait jamais vécu. Cela est si cruel pour moi de dire la vérité. Dieu seul, qui connaît le poids et la mesure des tortures qu'il inflige, sait combien je vous aime et combien j'ai courageusement lutté contre mon amour. L'aveu de ma passion est une insulte pour vous, Marcia. Mon amour est un crime. Ma vie, depuis 15 ans, a été un mensonge, et le nom que je porte est un faux nom. Je m'appelle Godfrey Pierrepoint, et je suis le mari déshonoré d'une femme criminelle. » Jamais le locataire de Sir Gaspard n'avait vu une expression de reproche et de chagrin aussi profonde que celle qu'il voyait dans les tendres yeux gris qu'il aimait tant. « Et vous m'avez laissé vous aimer, » dit Marcia. « Et vous m'avez laissé vous parler d'amour. Ah, quelle honte, quelle honte, quelle honte !» Elle se hâta de courir à la porte en tendant les bras devant elle comme une créature à demi en démence qui fuit loin de quelque inexprimable horreur. Mais sur le seuil, avant que George Pounceforth pût lui porter secours, la fille de Sir Gaspard tomba le visage contre terre, sur le lieu même où les gens du pays avaient coutume de montrer triomphalement les traces des éclaboussures du sang du cavalier assassiné.